comme la croyance du silence. Pas d'accord qui mène à la vérité. Palme, pierre, pamoison, sortie de secours, verte fumée. Une télé, pathos, triste équateur et pleurs, l'encore. L'alors, cet alors sublime, son étouffant, son rigueur à la note d'une portée. Pas d'accord qui mène à la vérité. Pas d'accord qui mène à la vérité. Pas d'accord qui mène à la vérité. Non.